Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En octobre 1973, Guy Dumur proposait aux auditeurs de France Culture Mise en scène, une nouvelle série d'émissions consacrée au théâtre, dont le premier numéro avait pour invité Patrice Chéreau, qui montait La dispute de Marivaux à la Gaîté Lyrique. Où en était Patrice Chéreau en 1973? À 28 ans, il était passé par le théâtre de Sartrouville, qu'il avait dirigé un temps, avant de rejoindre le Piccolo Théâtre de Milan. Avec Roger Planchon et Robert Gilbert, il dirigeait à présent le TNP de Villeurbanne et préparait un premier film, La chair de l'orchidée. Du côté lyrique, il devait mettre en scène l'année suivante les Contes d'Hoffmann à l'Opéra de Paris. Mais après les deux premières représentations de la pièce dans le cadre du Festival d'automne, c'était de la dispute dont il était question pour Patrice Chéreau et son décorateur Richard Peduzzi au micro de Guy Dumur, le temps d'une discussion à laquelle participaient deux universitaires, Jean-Marie Goulmot, spécialiste du XVIIIe siècle, et pour le théâtre, l'un de ses plus grands théoriciens, Bernard Dort, qui se passionna avant tout le monde pour le travail de Patrice Chéreau, qui avait lui-même suivi ses cours à la Sorbonne. Dort a eu une importance énorme, disait Patrice Chéreau. Il a conduit ma pensée théâtrale et Jean-Pierre Vincent et moi étions très dépendants de lui. J'avalais tout ce qu'il disait, mais je le transformais, ce que doit faire tout élève. Mise en scène, La dispute de Marivaux par Patrice Chéreau, une émission diffusée la première fois le 26 octobre 1973 sur France Culture. Au micro, Guy Dumur. Cette nouvelle émission est consacrée à des mises en scène, c'est-à-dire à l'interprétation actuelle des classiques, bien entendu anciens ou modernes. Et je suis particulièrement heureux d'inaugurer cette nouvelle série d'émissions avec un nouveau spectacle donné depuis 2 jours seulement à la Gaîté Lyrique, La dispute de Marivaux, mise en scène par Patrice Chéreau. Autour de ce micro, nous avons réuni, bien entendu, Patrice Chéreau lui-même, metteur en scène, Richard Peduzzi, son décorateur, dont nous verrons qu'il joue un rôle important dans ce spectacle, Jean-Marie Goulmot, qui est un spécialiste du XVIIIe siècle et qui est maître de conférences à l'Université de Tours, et Bernard Dort, qui est directeur de l'Institut d'études théâtrales et qui, en plus, a le privilège d'avoir suivi Patrice Chéreau, l'œuvre de théâtre de Patrice Chéreau, depuis ses débuts. Ses débuts qui sont déjà lointains, puisque, au fond, Patrice Chéreau était déjà célèbre à l'âge de 19 ans, et c'est-à-dire il y a moins de 10 ans. Il est tout jeune encore, il a accompli un grand nombre de mises en scène, et chacune de ces mises en scène provoque des discussions extrêmement véhémentes. Et nul doute que sa nouvelle interprétation de Marivaux va provoquer à Paris beaucoup de remous, beaucoup de discussions, et c'est ce que nous avons voulu amorcer aujourd'hui en essayant d'aller autant que possible, aussi profondément dans la signification de ce spectacle qui a pu paraître à beaucoup surprenant. Mais je crois que, justement, comme il s'agit d'un spectacle tout nouveau et que l'on en a encore peu parlé dans la presse, parlée ou écrite, il faudrait d'abord commencer par décrire ce que l'on a vu. Et je vais peut-être demander à Bernard Dort de nous décrire, aussi objectivement que possible, ce qu'il a vu au théâtre de la Gaîté Lyrique. Vous savez que rien n'est plus difficile que d'écrire un spectacle. Pour décrire vraiment un spectacle, il faudrait écrire une série de volumes, parce que chaque élément dans un spectacle joue son rôle et tous les éléments ensemble jouent un rôle différent de chaque élément. Mais je vais essayer de dire ce que j'ai vu et en commençant par le commencement, c'est-à-dire par le prologue du spectacle qui se joue dans la salle sur une petite estrade. On voit installé, lorsqu'on entre dans la salle, on voit installé sur une estrade un fauteuil, une série de miroirs qui font penser au miroir d'un cabinet de physicien 18e siècle, en gros. Et sur cette estrade vont surgir des personnages d'époque indécise, enfin, puisque... Mais moderne. Plutôt moderne, oui, c'est ça. L'homme qui est le prince, enfin, est en smoking. Les femmes, une femme, Hermione, est en robe du soir, mais une robe du soir, disons, qui rappelle les années 40. Et il y a une série de courtisanes, enfin, trois, si je ne me trompe, qui sont habillées à peu près dans le même style. Moi, personnellement, ça m'a fait penser, ça n'est pas objectif, c'est subjectif, ça m'a fait un peu penser aux Dames du Bois de Boulogne de Bresson. Mais il faut rappeler d'ailleurs que les Dames du Bois de Boulogne, le film de Bresson, qui se passait approximativement en 40, enfin, était fondé sur un récit de Diderot, c'est-à-dire qu'il y avait une référence, un référent 18e siècle. Enfin. Et disons d'ailleurs que l'atmosphère de ce prologue, et nous y reviendrons sûrement là-dessus, est nettement cinématographique. J'ai l'impression que Patrice Chéreau, nous le demanderons tout à l'heure, mais en fait que ces éclairages, les jeux de miroirs et tout cela font penser beaucoup à un cadrage cinématographique. C'est ça. Et alors, ce qui se joue dans le prologue, c'est une série de textes de Marivaux, un montage de textes de Marivaux, dont certains d'ailleurs viennent de la dispute, dont d'autres, au moins à ce que j'ai reconnu, viennent de la double inconstance, etc. Une situation, disons, d'enfermement, c'est une femme qui est séquestrée, semble-t-il, enfin, plus ou moins volontairement, par un homme dans une cour, dans la très haute société, et on assiste au prologue d'un jeu, enfin, d'un jeu qui est déjà un jeu amorcé entre eux, un jeu érotique amorcé entre eux, un jeu manifestement sadomasochiste, je crois, sans interpréter les choses abusivement, enfin, et le spectacle va se donner comme illustration, pas seulement illustration, mais le spectacle va entrer dans ce jeu, enfin. C'est à partir de ce jeu qu'on va découvrir autre chose. Et alors, il y a un véritable passage de l'estrade qui est dans la salle à la scène, enfin, par l'intermédiaire de la fosse d'orchestre, ou plus exactement, même par l'intermédiaire d'une poutre jetée sur la fosse d'orchestre d'où sortent à ce moment-là des vapeurs blanches. C'est le saut du fossé, enfin, c'est aussi le titre d'une toute petite pièce de Marie. Et passerelle que les acteurs franchissent d'ailleurs non sans danger. Non sans danger, pour entrer dans un domaine qui est totalement différent, enfin, à l'espèce de nudité, comme ça, de cette estrade, avec ces instruments qui sont à la fois des instruments de physique et qui ont une espèce de connotation d'instrument de torture, un petit peu aussi. Et où s'élabore le thème du miroir. Du miroir, c'est ça. C'est des gens qui se regardent dans le miroir, qu'on force à se regarder dans des miroirs déformants. Dans des miroirs déformants, dans les miroirs qui renvoient la lumière aussi, c'est-à-dire qui agressent le visage, en quelque sorte. Et on entre alors sur la scène dans un monde totalement différent, enfin, puisqu'il s'agit d'une sorte de paysage, au sens que les peintres donnaient à ce terme au XVIIIe et avant, enfin, de paysage où sont combinées deux choses en apparence presque opposées, la nature la plus sauvage, enfin, mais comme on pouvait la concevoir, comme on pouvait concevoir sa sauvagerie au XVIIIe. Précisons les choses, sous forme d'une forêt véritable. D'une forêt véritable, oui. Des arbres véritables. Et des constructions qui sont des sortes de constructions architecturales imaginaires qui empruntent à la fois aux architectures, peut-être même d'avant le XVIIIe, aux grands architectes renaissants italiens. Enfin, je crois que Peduzzi pourrait préciser, puisqu'il a pensé au Palladio, si je me trompe. Desiderio Palladio. C'est ça, oui. Et en même temps, à l'architecture moderne, enfin, reprenant, citant enfin ces architectures historiques. Je voudrais préciser qu'il y a un grand effet de surprise quand le rideau se lève, puisque quand les personnages du prologue ont franchi cette passerelle et sont arrivés dans ce décor et que le rideau se lève, car il y a beaucoup de rideaux le rideau se baisse souvent dans cette pièce et se lève souvent, on est dans un paysage lunaire en même temps. C'est-à-dire avec la lune qui brille, un éclairage très particulier, l'éclairage très blanc de la lune sur des palais blancs et cette forêt très noire et très mystérieuse. On pourrait presque dire que c'est un paysage onirique aussi. Un paysage onirique. Paysage, on pense au paysage aussi, pour multiplier les citations de peintres, on pense un peu au paysage métaphysique enfin, de certains peintres italiens. Oui, Jean-Marie Goulmeau d'ailleurs... je crois que vous avez pensé justement à un paysage surréaliste. Moi, j'ai pensé au paysage qu'a donné Malkin il y a à peu près 5 ans à son retour, vers 66. C'était une série de peintures sur des demeures fantastiques qui étaient symboliques. Il y avait la demeure de Lewis Carroll, il y avait la demeure de Breton, il y avait la demeure de... beaucoup de gens, mmh. et c'est très proche du décor que vous avez composé. Bernard Dort va continuer sa description. Maintenant, je crois qu'on peut aller plus vite, d'ailleurs. Ah, oui. Et c'est ce lieu, on entre dans l'interprétation. Ce lieu composé, à tous les sens du terme, enfin, va être le lieu d'une sorte d'expérience de laboratoire qui fait en même temps partie du jeu érotique que joue entre le prince et la princesse captive, enfin Hermione. Car il est utile de préciser, car La Dispute est une pièce de Marivaux qui est relativement peu connue, et qu'il s'agit d'un prince et d'une princesse qui veulent tester, qui veulent savoir au départ si qui a été le premier infidèle de l'homme ou de la femme. Et pour cela, on a enfermé 20 ans auparavant, 18 ou 19 ans exactement auparavant, 4 enfants absolument séparés les uns des autres sous la garde de 2 domestiques noirs. Les noirs n'ont pas été, qu'on voit sur la scène, n'ont pas été inventés par Patrice Chéreau, ils sont vraiment dans la pièce de Marivaux, et que ces enfants vont subitement être mis en présence les uns des autres et en présence même du monde extérieur, car ils ont vécu complètement cloîtrés pendant toutes ces années. Ça, alors on voit donc apparaître, sortant de ces maisons, lâchés comme un peu comme des bêtes dans l'arène, on voit apparaître des enfants sauvages, comme on pouvait imaginer des enfants sauvages d'ailleurs au XVIIIe siècle, c'est-à-dire habillés tout de blanc d'ailleurs, les yeux bandés enfin, et ils vont prendre contact d'abord avec le monde, et sous la forme, pour la fille en particulier, sous la forme du ruisseau, enfin, où elle va s'apparaître à elle-même. Un véritable ruisseau, enfin du moins une véritable mare d'eau, c'est ça. Et ils vont se reconnaître entre eux, c'est-à-dire qu'ils vont s'aimer, trahir, et aussi se reconnaître eux-mêmes, n'est-ce pas ? Parce que d'abord. Le problème de l'identité se pose énormément. Oui. Qui est moi ? Et quand la petite, au début, se regarde d'abord dans la rivière, puis ensuite dans un miroir, elle essaie de savoir qui elle est. Il y a tout un thème qui est très, très profond chez Marivaux, qui apparaît toujours, c'est le thème du miroir, puis du portrait. Enfin, le portrait étant un autre miroir, mais un miroir que l'on peut donner. C'est son image que l'on peut donner, qui est un gage, etc. Et le premier couple d'enfants va s'aimer, enfin, le garçon et la fille, et puis un second couple va apparaître également, et c'est là que va se jouer ce que Marivaux appelait déjà dans une de ses premières pièces, mais que La Dispute reprend pour une part, la double inconstance. Mmh. Là, il faudrait décrire dans le détail, enfin, la façon dont Chéreau a, en quelque sorte, je ne dis pas sensualiser le texte ou l'action, mais mis l'accent sur le caractère physique, le caractère charnel de chacune des découvertes. Oui, mais j'irai plus loin, je ne sais pas pourquoi vous prenez de précautions, parce que je dirais sexualiser même. Sexualiser, puisqu'on voit tout de même, je crois que Patrice Chéreau ne nous contredira pas, mais que dans cette découverte du moi et dans cette découverte de l'autre, la découverte des corps compte énormément. Oui. Et la façon dont les couples s'affrontent, d'ailleurs, pas seulement filles et garçons, mais filles et filles et garçons et garçons, ils essaient de se découvrir le corps, et que les baisers dont on parle, par exemple, dont Marivaux parle, et qui sont peut-être dans l'idée de Marivaux, mais ça nous verrons tout à l'heure, étaient des idées chastes, là deviennent des baisers très violents qu'ils ne savent pas donner, puisqu'ils se mordent autant qu'ils s'embrassent. Enfin, il y a une espèce de violence comme ça, sauvage, qui évidemment contraste avec ce que nous avions vu jusqu'à présent des interprétations de Marivaux. Oui. Et alors, il faut dire aussi que continuellement, les jeux, cette découverte de la sexualité par ses enfants est interrompue, enfin, par des allées et venues du prince et d'Hermione corrige le jeu, qui le relance, etc. Enfin, il faut peut-être dire un mot aussi sur une chose qui a pu paraître étonnante, c'est les domestiques noirs, puisque Chéreau a choisi des acteurs américains, des noirs américains, et qui étaient, je ne sais pas, qui étaient, est-ce que la femme est une chanteuse de jazz, une chanteuse de blues, enfin. Oui, la femme est une chanteuse de blues de New York, qui a tout un passé d'actrice derrière elle, et aussi un passé de chanteuse de blues, et lui aussi, qui non seulement est acteur, ce sont des acteurs de Broadway d'une certaine façon, et en même temps lui est animateur, a été longtemps animateur de radio, et c'est longtemps une sorte de longue habitude comme ça d'autres choses aussi dans le théâtre. Alors ils introduisent aussi un autre monde, à la fois différent du monde des grands, du monde des princes, enfin, et du monde des enfants, monde qui est aussi ambigu parce que c'est un monde qui ça appartient un peu à une sagesse ancestrale, immémoriale, enfin une sorte de tranquillité, il y a chez eux, oui, à l'inverse des enfants. Mais une cruauté aussi. C'est ça, oui, c'est pour ça que je dis c'est ambigu, parce qu'il y a chez eux, à l'inverse des enfants, une sorte de tranquillité corporelle. Ils sont énormes, ils sont tranquilles, ils ont un côté casse de l'oncle Tom, enfin. Et puis, en même temps, ce sont eux qui sont les aides, qui sont les servants, enfin, des aristocrates, et qui combine le jeu. Patrice Géraud, vous êtes d'accord avec cette description de votre spectacle ? C'est-à-dire, vous savez, on fait un spectacle, on en met ensemble tous les éléments, et la façon dont éventuellement moi je pourrais parler de ce spectacle sera, jusqu'à présent, je suis tout à fait d'accord avec Teddy Bernard Dort, pourra éventuellement en être légèrement différente. C'est-à-dire que le spectacle m'est ambigu à moi aussi d'une certaine façon. Il y a beaucoup d'éléments que je découvre maintenant. Le fait qu'Hermione était captive, par exemple, ne m'a pas frappé. Ce qu'on essayait de faire, c'était de montrer un certain type de rapport à l'intérieur d'une société précise, qui est une très haute société, qui est une société qui a l'argent, qui a aussi le pouvoir, qui a le pouvoir aussi d'avoir pu séquestrer des enfants pendant 20 ans. Et en même temps, la chose importante, c'était un peu comment tous ces gens-là jonglaient d'une certaine façon avec les idéologies, comment tous ces gens-là jouaient avec les idées et vivaient cette situation, leur propre situation. Alors qu'à certains moments, cela se situe dans des rapports très privés entre les personnes. Ce qui ne retire rien au fait qu'il y a aussi toute une discussion théorique dans le prologue sur l'état de nature, sur la nature humaine, et que le prologue se passe aussi que l'entrée dans cette fête, parce que le prince rentre au début en disant je vous allez voir une fête pour le jour de votre naissance, une fête que vous allez voir, et cette fête petit à petit se transforme. Il lui dit si cette fête peut vous faire quelque plaisir, ce serait volonté que de vous en faire le détail, je vais vous montrer le portrait de la nature humaine, je vous ferai lire dans le miroir du monde, dit-il à Hermione. C'est-à-dire que il y a à un moment donné un moment dans le prologue où tout cela dévie et où il s'agit un peu d'une sorte d'initiation que l'on fait à cette femme qui doit passer par cette expérience de 7 jours et de 7 nuits comme ça. Mais est-ce que là il n'y a pas une référence sadienne très claire, bien sûr, c'est une initiation, 7 jours, 7 nuits. Bien sûr, ça n'est pas le château, mais c'est le lieu fabriqué, enfin, dans lequel il se passe quelque chose. Enfin. Bien sûr, tout à fait. Nous entendions à l'instant un passage des musiques maçonniques de Mozart qui sert d'introduction au spectacle de Géraud, et il semble que par cette musique et sa signification, il ait voulu nous introduire justement dans un monde à la fois d'initiation, comme il vient de le dire à l'instant, mais il a aussi parlé des idéologies qui s'affrontent au cours de son spectacle, dans, à la fois dans la pièce de Marivaux et dans l'interprétation qu'il en a donnée. Et justement, Jean-Marie Goulmeau, qui est très au fait de ces idéologies du XVIIIe siècle, j'aimerais savoir si l'interprétation que donne Chéreau correspond à quelque chose de réel dans le XVIIIe siècle. Oui, alors je crois que mon rôle n'est pas très facile ni très agréable d'intervenir comme historien des idéologies ou comme analyste des idéologies en présence au XVIIIe siècle. Parce que ce problème des idéologies du XVIIIe siècle, c'est quand même quelque chose que nous avons reconstruit à travers ce que nous savons et l'épaisseur du temps. Vous voulez dire vous autres historiens? Voilà, nous avons reconstruit. Nous pensons qu'il y a une idéologie des Lumières, ce que nous appelons l'idéologie des Lumières, donc que nous rattachons à une classe sociale. Et ce que semble faire Patrice Chéreau, c'est de démasquer, en fin de compte, cette idéologie des Lumières, extrêmement optimiste sur la nature humaine. Et ce démasquage est réel, il s'est fait au cours du XVIIIe siècle, mais il est sans doute beaucoup plus tardif que la date de 1743, je crois, qui est la date de la dispute. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il projette à l'intérieur du texte de Marivaux toute une mise en cause des Lumières par elles-mêmes, qui se fait à travers des gens comme Diderot, déjà, dans, je pense, son neveu de Rameau, c'est-à-dire les textes qu'il ne publie pas de son temps, qu'il garde bien sous le coude, qui est sa propre mise en question, et surtout à travers des gens comme Sade, le marquis de Sade. Bon, il y a même beaucoup de références. Moi, j'ai cru, mon inculture est grande sur Marivaux, que le prologue était fait en partie de fragments de Sade. On pense énormément à Sade, oui, effectivement. Oui, en fait, ce n'est que de Marivaux. Ce n'est que de Marivaux. Bon, c'est intéressant, mais on pourrait penser que vous avez quand même joint des fragments, vous les avez dissociés, c'est-à-dire que vous avez reconstitué un discours dont on peut se demander s'il était légitime de l'attribuer à Marivaux lui-même. Comment dire, vous savez... Parce que vous avez changé des rôles, par exemple, dans le fragment que j'ai reconnu de la double inconstance, disons. Ça n'est pas le prince qui dit ça, qui discute avec Sylvia, enfin, mais c'est le valet, enfin, c'est le ministre qui est aussi le valet, c'est Trivelin. Enfin. C'est vrai, oui. Là, il y a un décalage de rôle. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on est parti de plus... François Regnault, qui a établi le texte, est parti de plusieurs textes. Le travail le plus important qu'il a fait était de partir de certains textes plus idéologiques de Marivaux, c'est-à-dire dont un en particulier qui s'appelle L'éducation d'un prince, qui parle surtout, de cette nature humaine, qui parle surtout de la différence entre les hommes ordinaires et les aristocrates, c'est un fils de roi qui s'interroge sur savoir s'il est différent ou égal dans la nature aux autres hommes, et si la nature fait la différence entre la noblesse et la non-noblesse. Ces thèmes de nature, ces thèmes de la place que peut occuper l'homme dans la société, de savoir si les hommes sont différents entre eux, qui sont tout de même, donc, comme Patrice Chéreau vient de nous le dire, de Marivaux. Et vous, Jean-Marie Goulmeau, s'ils ont été exprimés à ce moment-là, c'est qu'ils existaient, ces thèmes, tout de même, déjà en 1740 et quelques. Oui, le thème de la nature humaine, il est très antérieur, il appartient aussi à l'âge classique, étant donné que l'idéologie de l'âge classique est quand même fondée sur une théologie chrétienne qui croit à une nature humaine. Il y a eu un paradis perdu avant la faute, et l'homme est une nature humaine méchante, ce qui explique, bon, par exemple, le discours de Hobbes sur la société. L'homme est méchant, il faut un pouvoir de répression pour qu'il puisse vivre en société, pour qu'il puisse ne pas s'abandonner à ses instincts. Et en fin de compte, quand les Lumières se mettent en cause, elles retrouvent ce type de discours, mais elles le retrouvent laïcisé. Je veux dire que le discours sur une nature humaine mauvaise qui peut s'abandonner à ses passions, de l'homme qui peut s'abandonner à ses passions, n'est pas un discours nouveau. C'est le grand discours de la théologie. Oui, mais ce thème, par exemple, de l'éducation, que nous verrons reprendre triomphalement par Rousseau, en particulier dans l'Émile, d'ailleurs, dans le programme, il y a un texte tiré de l'Émile que Patrice Chéreau nous a donné. Il est déjà, tout de même, dans cette œuvre de Marivaux, dans cette pièce de Marivaux. Oui, moi, je... Cette expérience zéro, en fait, cette façon oui, de prendre... justement, on peut discuter la façon dont Marivaux pose l'expérience zéro. Mmh. Ce sont des enfants qui ont acquis un langage. Alors, vous savez que le XVIIIe siècle s'intéresse beaucoup à l'origine des langues. Il y a quand même le grand texte de Rousseau sur le discours sur l'origine des langues. Il y a beaucoup de textes Condillac. Et, en fin de compte, dès que l'on acquiert une langue, c'est la théorie qui est développée, il faut déjà que l'on ait des idées. Enfin, il y a toute une dialectique entre les idées et la langue. C'est-à-dire que ces enfants qui parlent un langage vivent déjà sur un code et sur un système de valeurs. Oui. Donc, moi, Bernard Dort. Oui, moi, ce n'est pas d'ailleurs une reproche idéologique, là, mais c'est presque un reproche théâtrologique que je voudrais faire à Chéreau. Là, c'est que justement, il me semble qu'il n'a pas assez, qu'il aurait pu davantage jouer, qu'il n'a pour ainsi dire pas joué sur une contradiction profonde. C'est la contradiction entre l'enfant sauvage et leur langage. C'est vrai. Parce que ces enfants parlent admirablement dès le début. Enfin. Et peut-être qu'on ils ont à la fois de grandes ignorances et de grandes connaissances. Ça, oui. Peut-être que d'ailleurs, pour Marivaux, le problème ne se posait pas. Mais à partir du moment où on les représente comme des enfants sauvages, enfin, dans une thématique qui est peut-être postérieure un peu à Marivaux, à partir de ce moment-là, je trouve que théâtralement, on était un peu frustré de ne pas voir théâtralement le problème de la contradiction entre leur être et leur langage posé. Jean-Marie Goulmeau. Oui, il y a un texte très curieux qui est, je crois, de 65, d'un abbé qui s'appelle l'abbé Dulaurens, qui écrit un texte qui a pour titre Ymirs ou l'enfant de la nature. Ce sont deux enfants qui sont isolés par un philosophe, qui les a achetés, d'ailleurs, il les a achetés, très jeunes, et il les enferme dans une caverne. Ils ne voient personne, ils reçoivent leur nourriture par un panier, et ils reconstruisent Dieu et le monde à partir de cela, et ils ne possèdent pas le langage, ou ils se sont inventés un langage. Et là, j'ai une petite citation, si je peux la lire. Oui, bien sûr. « Nous nous entendions déjà, nous avions peu de mots, aussi avions-nous peu d'idées. » C'est-à-dire que la possession d'un langage chez les deux enfants, chez les quatre enfants de Marivaux, impliquerait, dans l'idéologie de l'époque, qu'ils possèdent un code et un système de valeurs. Qui ne sont pas une cire vierge, comme dit Locke, c'est-à-dire les sensualistes, mais qu'ils ont déjà toute une culture, en fin de compte. Alors l'expérience de laboratoire me paraît très faussée. C'est une des grandes difficultés, cette histoire, cette idée du langage est une des grandes difficultés de la pièce. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on essaye de prendre ce qu'on essaye de faire totalement au sérieux, les présupposés de l'histoire de Marivaux, c'est-à-dire quatre enfants séquestrés depuis la naissance, il est difficile d'aller très loin sur cette découverte du langage et sur cette appropriation du langage et sur la justesse du langage. Parce que là, c'est là où il y a une très grande contradiction. Ils ont un langage admirable. Ils ont un usage du français, en plus, qui est l'usage du français qu'avait Marivaux, qui est une des langues où rarement le français était aussi bien écrit. Le français, et rarement on a aussi bien écrit des dialogues de théâtre, d'une certaine façon. Et le problème, c'est que c'est un langage qui suppose un code de valeur très très précis, c'est-à-dire qu'avant même que l'expérience soit très approfondie, avant même que leur rapport avec les autres enfants soit très fort, soit très approfondi, ils utilisent déjà les mots aimer, ne pas aimer, détester, ils utilisent déjà belle et laide. Je veux dire, ce qui est très difficile à jouer, c'est-à-dire d'où ont-ils tiré cette connaissance du beau et du laid, je veux dire, où est-ce que c'est une connaissance, c'est un peu tous les problèmes qu'on a dû se poser en répétition assez longuement, très longuement même avec les acteurs, entre autres, est beau tout ce qu'ils connaissaient d'une certaine façon pendant ces 20 ans et laid tout ce qui contrecarre la découverte qu'ils en font, parce que la première fois qu'ils utilisent laid, c'est en parlant des Noirs, je veux dire, ils disent vous avez dû vous enfuir de peur la première fois que vous vous êtes vus finalement, mais ça c'est une découverte qu'ils font au moment même après s'être connus. Après s'être reconnus, ils découvrent aussi qu'ils sont blancs et que les noirs sont noirs, qu'il y a une différence de couleur. Et que donc, les noirs, c'est une chose profonde d'enfants, mais d'enfants civilisés d'une certaine façon, que les noirs ne peuvent pas avoir connu l'amour comme eux viennent à l'instant de le connaître. C'est une assez grande difficulté. Par moments, on a essayé de montrer que certains mots n'avaient pas un sens, avaient un sens purement abstrait. Dans l'utilisation de belle et de laide, la mise en scène part toujours de cette supposition-là. C'est-à-dire que, est beau ce qui va en accord avec ce qu'on leur a dit, ce qui va en accord d'une certaine façon avec les découvertes qu'ils sont en train de faire et ce qui ne bouleverse pas la chose qui est en train de naître en eux d'une certaine façon. C'est un problème qui n'est pas résolu dans la pièce et je ne suis pas sûr qu'on ait pu aller plus loin parce que la pièce est fondée aussi sur une convention qui est que ces enfants-là parlent. Je voudrais que nous reparlions de cette différence de date, c'est-à-dire entre l'œuvre de Marivaux et la façon dont Patrice Chéreau l'a représentée. Vous sembliez dire tout à l'heure qu'il y avait 30, 40 ans de différence. Et je voudrais quand même que vous essayiez de faire un petit effort pour nous dire si, en 1740, ces problèmes de l'enfant sauvage, de l'éducation, comme ça, ne se posaient pas déjà tout de même. Non, écoutez, moi... je ne suis pas une connaissance universelle du siècle. Hein. Je ne peux parler qu'à partir d'un certain nombre de textes que je possède. Il faut quand même bien voir que, par exemple, tout le problème de la rupture de l'éducation se fait aux alentours des années 60 avec des gens comme Rousseau, c'est dans l'Émile. De même, le thème du laboratoire. Oui, mais Rousseau a été préparé lui-même, il n'est pas sorti comme ça ex nihilo. Eh bien, il est préparé par lui-même, hein, oui, c'est-à-dire par un certain discours politique. Il était lui-même un enfant sauvage, on peut dire. Alors, je crois qu'il y a des moments de rupture qu'il faut admettre, il y a des émergences dont il est difficile de calculer les origines, hein, de faire une sorte d'emboîtage. Or, il est très net que tout un certain nombre de choses que Patrice Chéreau a investies dans la pièce sont datables, et sont datables avec une différence d'à peu près 20 ans. De même, tous les textes qui portent sur des expériences de laboratoire où l'on élèverait comme cela des enfants dans un lieu clos, c'est le type de l'Émile, c'est ce roman que je citais, il y en a d'autres, ils sont à partir de 65 et ils vont jusqu'à 80. Jusqu'ici, lorsque l'on parlait de l'homme naturel, c'est purement un schéma théorique. Hein, c'est un schéma théorique, c'est-à-dire que l'on déduit de l'homme en société, l'homme naturel, en éliminant un processus historique de transformation. C'est par exemple ce qu'explique très bien Rousseau dans le discours sur l'inégalité, écartons les faits, ça ne l'intéresse pas, c'est un modèle théorique. Hein, l'homme de nature, c'est un modèle théorique. Et vous ne pensez pas que Marivaux ait pu concevoir lui-même ce modèle théorique ? Écoutez, alors il faudrait en revenir au génie ou à la prescience, j'y crois assez peu. Je pense de toute façon qu'il y a quand même effectivement un certain nombre de questions qui sont posées chez Marivaux, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en 1743, je ne pense pas que puisse naître un discours ethnologique et un discours anthropologique, tel que le construit Patrice Chéreau dans sa pièce. Bernard Dort, oui, mais il me semble enfin que l'état de nature chez Marivaux est une simple supposition arbitraire pour lui permettre de développer sa thématique. Enfin, et c'est là que je ne suis plus tout à fait d'accord avec le spectacle de Chéreau, c'est que, à mon sens, il a pris trop au pied de la lettre des données que Marivaux emploie uniquement pour faire valoir autre chose. Si on veut, enfin, je crois que justement ce thème de l'enfant sauvage, qui est central dans son spectacle, enfin, pour moi, n'existe pas beaucoup dans la pièce de Marivaux telle que je la conçois. Enfin, et il y a forcément une sorte de contradiction, je crois qu'il faudrait approfondir peut-être, entre ce thème et ce qui me semblait l'idéologie de la société selon Marivaux. Nous avons essayé de prouver, enfin je ne sais pas si c'est la vérité absolue, que le spectacle de Patrice Chéreau, enfin la façon dont il interprète Marivaux, ne situe pas exactement la pièce à la date à laquelle elle a été écrite, mais un petit peu plus tard. Et Bernard Dort, à l'instant, s'opposer justement à cette conception de la mise en scène. Non, je ne m'opposais pas. Je crois que sur le plan d'une analyse strictement historique, c'est juste. Mais moi, comme spectateur, j'ai ressenti, enfin, alors quelque chose qui m'a gêné, c'est que non pas que le spectacle soit décalé de 20 ans dans le siècle, enfin ça, peu importe, mais que certaines significations qui, pour moi, sont très profondes, de Marivaux, enfin, ne sont pas apparues du tout, et d'autres significations me sont apparues, significations alors que je rattacherais, moi, alors, allègrement, beaucoup plus au 19e siècle, enfin, et même à la fin du 19e siècle. C'est-à-dire, par exemple, j'ai pensé beaucoup à un livre que j'admire énormément, d'ailleurs, qu'on a beaucoup tripoté, ces temps-ci, tripatouillé, plutôt, c'est Le Tour d'écrou de James. Il me semble, enfin, que dans le spectacle, dans la lecture d'ensemble, des conduites sexuelles, par exemple, il y a une espèce de pessimisme ou de puritanisme qui, à mon sens, n'existe pas du tout chez Marivaux. Pourquoi puritanisme ? Je veux dire, par exemple, bon, Marivaux nous montre, que ce soit dans La Double Inconstance ou dans La Dispute, puisque les thèmes sont assez proches, enfin, Marivaux nous montre que l'amour en société ne peut qu'être trahi, que se trahir lui-même. C'est une découverte que Marivaux fait faire à ses personnages, c'est une découverte qu'il a sans doute fait lui-même, qui ne le réjouit pas du tout. C'est une découverte proprement bouleversante, enfin, en sens que le temps intervient, que les personnages ne peuvent pas rester dans l'instant d'éblouissement, etc., et qu'ils sont obligés de se trahir. C'est d'ailleurs les domestiques noirs qui disent aussi, vous ne pouvez pas vous voir tout le temps, enfin, vous devez vous séparer. À partir du moment où le temps intervient, l'amour pur n'est plus possible. Alors, pour Marivaux, c'est affreux, cette découverte, mais en même temps, je crois que chez Marivaux, enfin, il l'admet tout à fait, c'est-à-dire qu'il ne s'inscrit pas en faux contre cette découverte au nom d'une sorte d'idée de la nature et de pureté de l'amour. C'est la loi de la société. Et simplement, il nous montre comment ça se passe. Il me semble que Chéreau, lui, avec un moralisme un peu puritain, enfin, il me semble que Chéreau le regrette beaucoup plus que Marivaux ne le regrettait. C'est-à-dire que, en fin de compte, on a devant les yeux l'image d'un monde déchu. Oui. Et c'est, si vous voulez, l'idée de faute que je trouve dans le spectacle de Chéreau qui ne m'apparaît pas du tout chez Marivaux. Mais je ne crois pas avoir mis la faute, c'est une chose qu'on a essayé d'éviter justement avec les comédiens. Et puis regretter que l'amour, je veux dire, par avec le facteur du temps, dans le temps comme ça, se trahisse lui-même. Je ne crois pas que ça soit une idée spécialement puritaine. Il se passe simplement une chose, c'est que sur le plateau, à partir du moment où on décide de monter cette pièce, il y a un élément qui prend un poids énorme et auquel on ne peut pas échapper si on veut monter cette pièce. C'est que l'histoire raconte, ne serait-ce que d'une façon réaliste, raconte une chose bien précise, que ces enfants ont été séquestrés pendant 20 ans. Ce sont des enfants de 20 ans, de 19 ou 20 ans, qui n'ont jamais connu d'autres personnes que ces deux noirs. Je dirais là, tout le problème se pose par exemple, et s'est posé en répétition, de savoir qu'est-ce qui s'était passé entre ces deux noirs et eux. Je veux dire, quel est le passé auquel qu'on peut attribuer dans les rapports de ces trois personnes, puisque les enfants ne se connaissent pas entre eux. Qu'un beau jour, on leur démolit complètement, on leur casse complètement ce monde-là, et on les fait rentrer dans un autre monde où tout est différent, où brusquement les personnes, le monde n'est plus trois personnes, mais quatre, puis cinq, puis six. Il n'y a pas seulement que cela, il y a aussi la dissimulation qu'ils commencent à découvrir. Et il y a surtout une chose terrible qu'ils se mettent à découvrir, plus les gens sont, plus ils connaissent de gens, plus ils se mettent à découvrir une chose qui est dans le texte, qui est la solitude, je veux dire, qui est une sorte de solitude dont à la fin ils en crèvent, je veux dire, je suis seul, je vais rester seul. Et il y a une chose là qui m'est apparue, mais criante comme ça dans la pièce, et que c'est un peu ça que j'ai essayé de proposer aux comédiens, je veux dire, d'une façon tout à fait concrète. Jean-Marie Goulemont. Oui, il y a deux choses qui m'ont frappé et qui iraient un peu dans le sens de l'interprétation de Dort. Ces enfants apparaissent au début extrêmement bien habillés. Et petit à petit, leur costume se dégrade. Oui, ils commencent à être dans revêtus. La terre, dans l'eau. Oui, mais ils changent même de costume. Ils sont vêtus de haillons à la fin. Oui. Et à la fin, ils sont vêtus d'une sorte de par-dessus qui évoque le par-dessus d'hôpital ou le par-dessus d'asile. Oui, j'avais pas pensé au par-dessus d'hôpital ou au par-dessus d'asile. La couleur me semblait jolie. Alors c'est effectivement la couleur d'hôpital. Oui. Et je voudrais dire qu'il y a effectivement une dégradation. C'est-à-dire que ce monde dans lequel il vivait, qui était le monde primitif, était le monde, un certain monde de la perfection et de l'innocence. Innocence qu'ils perdent lorsqu'ils créent des rapports entre eux qui ne sont pas exactement des rapports sociaux. Au début de la pièce, le commencement du monde est le commencement de la société, il est dit. Donc ce sont deux choses différentes, le commencement du monde et le commencement de la relation sociale. Et puis, vous avez quand même beaucoup caricaturé le dernier couple, hein, qui est en fin de compte une sorte de contradiction que Marivaux donnait. Qui apparaît à la fin. Qui apparaît à la fin. Et qui n'a pas de désir pour les autres. Qui n'a pas de désir pour les autres. Mais qui est un couple de psychotiques. Je ne sais pas. Je veux dire, ils sont tous psychotiques. De toute façon, ils ne sortent pas du même endroit. On a l'impression que le prince les fait sortir artificiellement comme pour contredire tout ce qui est apparu. Mais c'est ce qui se passe dans la pièce, parce qu'au début de la pièce, on parle de... Il y a des choses très étranges qui se passent dans cette pièce. Au début, on parle de quatre couples, et à la fin, on en sort un troisième... De deux couples, et à la fin, on en sort un troisième. De même façon, vous le faites sortir de la fosse, pourquoi ? Simplement parce que je ne voulais pas qu'ils sortent du même endroit que les, que les autres, oui, que les autres enfants. C'est une surprise. Il y a quatre portes dans le décor, il y en a trois. Et à partir du moment où ces portes ont été utilisées pour faire sortir à tour de rôle un enfant, puis deux, puis trois, il était impensable que ces enfants sortent du même endroit. En plus, ils sont dans un rapport tout à fait différent avec le reste. En plus, ils sont vertueux, je veux dire, comme une abstraction. C'est-à-dire, et je ne suis pas arrivé à les imaginer autrement, ne désirant pas autre chose que leur propre conjoint. Je ne suis pas arrivé à penser autre chose que d'abord, ils avaient dû être élevés ensemble, contrairement aux autres, et que par conséquent, le prince truquait complètement le jeu en proposant, comme dans les textes du 18e, où certains enfants, les expériences sont très diversifiées. À certains enfants donnent une éducation, à d'autres pas. Certains, on les met en couple, d'autres, on les met en société. On les met en bande, d'autres au contraire on les laisse seuls. Et ces deux-là, je ne suis pas arrivé à penser autre chose que pour ne pas avoir de désir pour les autres et devait être proprement terrorisé au sens littéral du terme. Ça ressemble beaucoup aux fausses conclusions de Sade. Hein. Je pense aux infortunes de la vertu, où il y a brusquement un retournement à la fin et où le personnage vicieux se convertit et devient un personnage vertueux quand il y a eu la mort de Justine. Mais c'est un peu le problème. Mais je crois que vous l'avez vraiment très caricaturé, car on peut se demander si, en fin de compte, il n'y a pas chez Marivaux peut-être une sorte d'effroi devant une vérité qu'il énonce et qui est classique chez un homme comme Diderot, qui brusquement, dans le neveu de Rameau, déclare, vous voyez, ce petit drôle, en parlant d'un enfant, il serait bien capable d'assassiner son père et de coucher avec sa mère. Et puis il se reprend, il masque cette espèce de vérité qu'il peut percevoir. Mais je crois que sa démarche n'est pas une démarche démagogique ou la peur de... Les deux éléments tiennent à la fois le pessimisme et l'optimisme, on ne peut pas les séparer. Or là, vous en avez fait quelque chose qui était vraiment rajouté, caricatural, grotesque, enfin la montée sur scène de ces deux personnages tombant à moitié, ayant l'air complètement gâteux déjà. Enfin, la vertu n'est pas drôle. Hein. Non, pas du tout. J'ai l'impression que Richard Peduzzi s'ennuie un peu, parce que c'est au fond le visionnaire et le visuel de la chose, et il n'a pas beaucoup parlé. Et à l'instant, Patrice Chéreau évoquait les différentes entrées du décor, et j'aimerais tout de même lui donner un petit peu la parole pour qu'il nous parle de la façon dont il a travaillé, parce que ce décor a tout de même une très grande importance. Alors si vous voulez, au départ j'ai commencé à faire un tableau pour moi sans penser à l'espace scénique. Mais sans penser toujours à l'interprétation que donnerait Patrice Chéreau. Au tout début, je travaille toujours comme pour un tableau, si vous voulez. Mmh. Bon. Et ensuite, une fois que j'ai fait des dessins, que mes idées sont un peu plus claires, bon, je vais voir à Patrice ce que j'ai dessiné, et à partir de ça, on travaille pour le plateau. Mais au départ, j'essayais comme ça de faire une peinture. Bon, le thème des murs, c'est une chose que je voulais faire, même avant d'avoir lu la pièce, si vous voulez. Oui, mais justement, là, il y a des choses qui m'ont paru obscures, enfin. C'est-à-dire que au début, il y a deux palais de chaque côté. Oui. Ces palais s'ouvrent. Ça donne un peu l'impression, d'ailleurs, d'ouverture. Les deux palais, non, ils ne bougent pas, les deux. Non, mais à l'arrière, il y a choses qui apparaissent, qui s'ouvrent comme ça. Et on a l'impression qu'on ouvre des cages de bêtes, un peu. Et puis ensuite, certains éléments, envahissent progressivement, se regroupent, envahissent progressivement le plateau. Est-ce que vous avez voulu que la scène soit complètement close ensuite, ces éléments masquent la forêt, enfin progressivement. C'est ça, oui, j'ai voulu que la scène soit complètement close et qu'elle puisse bouger, c'est-à-dire que Patrice puisse se servir du décor comme il voulait, que les murs puissent se mettre en perspective et qu'on ait une vision de la forêt comme ça, Et la première chose que j'ai vue, moi, je veux dire, arrivant devant les premiers dessins de Richard, étaient tous les murs, vous savez, comme ils sont dans la sixième nuit, tous les murs mis en perspective, débouchant sur une forêt, créant une sorte de labyrinthe. À partir de ce moment-là, il y avait quatre ou cinq cases comme ça qui se dessinaient. À partir de ce moment-là, l'idée de Richard est que chacun, je crois, soit d'une architecture différente, qui n'est pas vraiment de style. C'est ça, exactement. Et à partir de cela, je veux dire, l'idée me semblait forte, très forte pour la dispute, où il y avait prévu aussi cette forêt, ce ruisseau dont parle Marivaux. Vous savez que Marivaux commence la pièce en disant « Où allons-nous, Seigneur? Voici le lieu du monde le plus sauvage, le plus solitaire. » Et puis ensuite, il ajoute que signifie la hauteur prodigieuse des différents murs qui l'environnent. Et puis bon, enfin, il y avait une chose qui fonctionnait profondément avec Marivaux, puis avec la pièce. À partir de ce moment-là, il s'agit de savoir, de résoudre des problèmes techniques, puisque aussi bien les significations qu'on voit d'un spectacle, ce qu'on peut lire d'un spectacle, passe toujours sur le plateau par le fait de comment résoudre des problèmes techniques, les plus techniques même. Et de savoir comment faire bouger ces murs et comment utiliser ce décor avec le maximum de parcimonie. Ces grands murs blancs s'opposant à cette forêt très sombre semblent-ils appeler l'éclairage lunaire? Est-ce que c'est vous, Richard Peluzzi, qui avez eu l'idée de la lune, enfin l'idée de cet éclairage de nuit nocturne? Oui, c'est-à-dire sur mes dessins, effectivement, j'ai fait une nuit avec une lune. Oui. C'était donc pour vous déjà, le climat de la pièce était un climat nocturne. Est-ce que dans le texte de Marivaux, quelque chose appelle la nuit? Absolument rien. C'est la première idée que j'avais eue était de couper cette expérience, c'est-à-dire que d'ajouter le temps qui passe à cette expérience, c'est-à-dire de permettre que les enfants puissent, entre deux phases de l'expérience, par exemple entre la première rencontre et l'expérience du miroir, qu'il ait pu passer du temps et qu'on ne les retrouve pas obligatoirement exactement de la même façon. Ce qui a accéléré d'un coup toute la pièce. C'est-à-dire qu'on les reprend, on les retrouve au crépuscule ou le soir. Mmh. Et donc il y a une journée qui est passée, il y a sept journées qui sont passées qu'on ne voit pas, qui sont les rideaux, et qui font que les crises ou les drames ou les envies ou la peur d'être seul et les envies qu'ils peuvent subir ou qu'ils peuvent vivre s'aiguisent de plus en plus, et que finalement c'est un peu, comment dire, dans la mise en scène telle qu'elle s'est maintenant, c'est un peu toute une vie qu'ils vivent, ces enfants, jusqu'à la destruction totale. Toujours à propos de la décoration, il y a non seulement ce décor très extraordinaire de Peluzzi, mais il y a également les costumes. Nous en avons parlé un petit peu au début dans la description que Bernard Dor donnait du spectacle, et c'est tout de même, je crois, très important que les gens du prologue soient en costume moderne, d'une époque, nous avons dit, un peu indéterminée, mais en fait qui se situe entre 1940 et 1950, et que les enfants, ce que Chéreau appelle les enfants, qui sont en fait des adolescents qu'il a un peu régressés dans l'enfance, soient vêtus, autant qu'ils soient vêtus, car ils sont finalement peu habillés, mais de costumes qui évoquent des photographies que vous reproduisez dans votre programme, et qui sont en particulier des photographies de Lewis Carroll. Il y a un élément 19e siècle là, dans vos costumes. C'est, une chose, c'est vous, une... c'est Peluzzi. Non, c'est Jacques Schmitt. C'est Jacques Schmitt qui fait les costumes. Qui a l'idée, on a essayé. Comment dire, on essaye de travailler de la façon la plus simple qu'on puisse. Et avec Jacques, on essaye toujours de faire que si on a besoin d'une signification, d'une chose pratique, d'un sens précis, à un moment donné, on prend notre bien un peu là où on le trouve. Or, cet état de pureté abstrait, cette pureté, cet état de nature qui est une pure abstraction au début de la pièce, à laquelle on ne peut pas croire si on met en scène la pièce, à laquelle il est impossible de faire référence si on veut diriger même les comédiens, et si on veut prendre au sérieux, simplement lire au pied de la lettre l'histoire même que raconte Marivaux, avait besoin d'une sorte de transcription visuelle. Et on a essayé de prendre les costumes qui, au départ, dans l'idée des gens, disons, dans l'idée comme ça, dans une sorte d'idée même reçue comme ça, donne l'idée un peu de du charme éventuel de l'enfance et des premières amours, de la puberté comme ça. Et ça, c'est ce que, aucune chose ne donne mieux que certains costumes du 19e siècle, du début du 19e siècle, dans les dentelles blanches, qui après doivent se détruire, puisque certains des enfants, même ça, ce n'est pas dans Marivaux, c'est dans la mise en scène, certains enfants font des fugues dans la forêt, puis d'un trajet qu'on leur impose, finissent par trouver eux-mêmes le trajet à l'intérieur de cette maison, finissent par se la réinventer eux-mêmes, etc. Eh bien, le temps a passé très vite et nous espérons quand même, à travers cette discussion peut-être un peu confuse, que beaucoup de gens auront envie de voir et de discuter le spectacle de Patrice Chéreau. Mais pour conclure, je voudrais quand même conclure un petit peu brutalement peut-être, demander à deux spectateurs, à nos deux spectateurs qui sont ici, quels sont leurs sentiments sur ce spectacle. Et je vais demander d'abord à Jean-Marie Goulmont peut-être, ce qu'il a pensé de ce spectacle, homme du XVIIIe siècle, plongé dans le XVIIIe siècle, et comment, non, il refuse, il nous fait des signes pour montrer qu'il refuse cette qualification, mais enfin néanmoins, on est obligé d'en donner, et comment il a reçu ce spectacle, lui qui n'est pas a priori un homme de théâtre, enfin. Alors, je suis content de pouvoir sortir de mon rôle de pédant de collège ou de pédant d'université. De toute façon, je ne suis pas un homme du XVIIIe siècle, je suis un homme du XXe siècle qui pose des questions dans un champ qui est le XVIIIe siècle, comme je pourrais les poser dans le XVIe ou dans le XIXe ou dans le XXe. En fin de compte, je crois que la discussion que j'ai menée, qu'on m'a forcé à mener, est une discussion fausse, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une vérité au XVIIIe du spectacle de Marivaux ? En fin de compte, il y a un texte de Marivaux que Patrice Chéreau a travaillé, qu'il a investi d'autres textes du XVIIIe et qu'il a investi lui-même. Moi, ce qui m'a passionné, c'est pas tellement le sens, s'il y avait une vérité de ce texte, mais ce que Patrice Chéreau y a mis de lui-même. Enfin, c'est un côté fantasmatique qui peut-être lui appartient en propre et appartient au-delà de lui à beaucoup d'autres choses, et moi je veux dire que ça m'a passionné, peut-être je partage certains de ses fantasmes, c'est un spectacle que j'ai beaucoup aimé, esthétiquement et en même temps par une certaine violence et une certaine vérité. Et Bernard Dort, alors lui, spécialiste de Marivaux. Non, j'ai un peu travaillé sur Marivaux. Vous êtes l'auteur d'une édition importante de Marivaux. Oui, alors le spectacle m'a à la fois fasciné et laissé dans un certain état de malaise, dans la mesure justement où le traitement que Chéreau a infligé à Marivaux ne me paraît pas contestable du point de vue d'une orthodoxie marivaudienne. Ça, je m'en fiche totalement. D'ailleurs, je crois que ça n'existe pas au théâtre, aucune orthodoxie n'existe. Mais il me paraît contestable d'un point de vue plus large, d'un point de vue théâtral plus large. En un sens, il me semble, moi, et ce que Chéreau disait tout à l'heure l'appuie un peu, la manière dont il le disait, qu'il a trop pris le texte à la lettre. C'est-à-dire qu'il l'a traité de manière un peu trop réaliste, un peu trop naturaliste, en cherchant des justifications à tout. Or, il me semble non, que... Non, je n'ai pas cherché de justification à tout. Je veux dire, c'est un peu une lecture comme ça de la pièce qui s'est imposée. Parce qu'au départ, la chose qui m'intéressait était ce monde. Et c'est ça qui peut intéresser, si on monte cette pièce-là, c'est ce monde des enfants, ce monde des adolescents et les choses... Disons, comment dire, l'histoire qu'on leur fait vivre et la qualité des découvertes qu'ils... Oui, mais il me semble, moi, justement, enfin, que c'est plus une pièce d'adulte qu'une pièce d'adolescent et qu'une toute autre lecture, peut-être plus schématique, plus didactique, est possible aussi. Oui. Jean-Marie Goulmont, Oui, un dernier mot, poser une question à Patrice Chéreau, même s'il ne me répond pas. Est-ce qu'il croit au paradis perdu? Je ne sais que répondre. Thank you. Vous venez d'entendre Patrice Chéreau à propos de la dispute de Marivaux dans l'émission Mise en scène proposée par Guy Dumur, diffusée la première fois le 26 octobre 1973 sur France Culture. Avec Patrice Chéreau, Richard Peduzzi, Jean-Marie Goulmeau et Bernard Dorte. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.